le roi de Bicêtre. XVIe siècle, Raoul Spifam. Premièrement, l'image. Nous allons vous raconter la folie d'un personnage fort singulier, qui vécut vers le milieu du XVIe siècle. Raoul Spifam, seigneur des Granges, était un suzerain sans seigneurie, comme il y en avait tant déjà dans cette époque de guerre et de ruines qui frappait toutes les hautes maisons de France. Son père ne lui laissa que peu de fortune, ainsi qu'à ses frères Paul et Jean, tous deux célèbres, depuis à différents titres, de sorte que Raoul, envoyé très jeune à Paris, étudia les lois et se fit avocat. Lorsque le roi Henri II succéda à son glorieux père François, ce prince vint en personne, après les vacances judiciaires qui suivirent son avènement, assister à la rentrée des chambres du Parlement. Raoul Spifam tenait une modeste place au dernier rang de l'Assemblée, mêlée à la tourbe des légistes inférieurs, et portant pour toute décoration sa brassière de docteur en droit. Le roi était assis plus haut que le premier président dans sa robe d'azur semée de France, et chacun admirait la noblesse et l'agrément de sa figure, malgré la pâleur maladive qui distinguait tous les princes de cette race. Le discours latin du vénérable chancelier fut très long ce jour-là. Les yeux distraits du prince, las de compter les fronts penchés de l'assemblée et les solives sculptées du plafond, s'arrêtèrent enfin longtemps sur un seul assistant, placé tout à l'extrémité de la salle, et dont un rayon de soleil illuminait en plein la figure originale. Si bien que peu à peu tous les regards se dirigèrent aussi vers le point qui semblait exciter l'attention du prince. C'était Raoul Spifam qu'on examinait ainsi. Il semblait au roi Henri II qu'un portrait fût placé en face de lui, qui reproduisait toute sa personne en transformant seulement en noir ses vêtements splendides. Chacun fit de même cette remarque, que le jeune avocat ressemblait prodigieusement au roi, et d'après la superstition, qui fait croire que quelque temps avant de mourir on voit apparaître sa propre image sous un costume de deuil, le prince parut soucieux tout le reste de la séance. En sortant, il fit prendre des informations sur Raoul Spifam, et ne se rassura qu'en apprenant le nom, la position et l'origine avérée de son fantôme. Toutefois, il ne manifesta aucun désir de le connaître, et la guerre d'Italie, qui reprit peu de temps après, lui ôta de l'esprit cette singulière impression. Quant à Raoul, depuis ce jour, il ne fut plus appelé par ses compagnons du barreau que « Sire » et « Votre Majesté ». Cette plaisanterie se prolongea tellement, sous toutes sortes de formes, comme il arrive souvent parmi ces jeunes gens d'études, qui saisissent toute occasion de se distraire et de s'égayer, que l'on a vu depuis, dans cette obsession, une des causes premières du dérangement d'esprit qui porta Raoul Spifam à diverses actions bizarres. Ainsi, un jour, il se permit d'adresser une remontrance au premier président touchant un jugement, selon lui, mal rendu en matière d'héritage. Cela fut cause qu'il fut suspendu de ses fonctions pendant un temps et condamné à une amende. D'autres fois, il osa, dans ses plaidoyers, attaquer les lois du royaume ou les opinions judiciaires les plus respectées, et souvent même il sortait entièrement du sujet de ses plaidoiries pour exprimer des remarques très hardies sur le gouvernement, sans respecter toujours l'autorité royale. Cela fut poussé si loin que les magistrats supérieurs crurent user d'indulgence en ne faisant que lui défendre entièrement l'exercice de sa profession. Mais Raoul Spifam se rendait dès lors tous les jours dans la salle des pas perdus, où il arrêtait les passants pour leur soumettre ses idées de réforme et ses plaintes contre les juges. Enfin, ses frères et sa fille elle-même furent contraints à demander son interdiction civile, et ce fut à ce titre seulement qu'il reparut devant un tribunal. Cela produisit une grave révolution dans toute sa personne, car sa folie n'était jusque-là qu'une espèce de bon sens et de logique. Il n'y avait eu d'aberration que dans ses imprudences. Mais s'il ne fut cité devant le tribunal qu'un visionnaire nommé Raoul Spifam, le Spifam qui sortit de l'audience, était un véritable fou, un des plus élastiques cerveaux que réclamassent les cabanons de l'hôpital. En sa qualité d'avocat, Raoul s'était permis de haranguer les juges, et il avait amassé certains exemples de Sophocle et autres anciens accusés par leurs enfants, tous arguments d'une furieuse trempe, mais le hasard en disposa autrement. Comme il traversait le vestibule de la chambre des procédures, il entendit sans voix murmurer « C'est le roi, voici le roi, place au roi !» Ce sobriquet, dont il eût dû apprécier l'esprit railleur, produisit sur son intelligence ébranlée l'effet d'une secousse, qui détend d'un ressort fragile. La raison s'envola bien loin en chantonnant, et le vrai fou, bien et dûment écorné du cerveau, comme on avait dit de Triboulet, fit son entrée dans la salle, la barrette en tête, le poing sur la hanche, et s'alla placer sur son siège, avec une dignité toute royale. Il appela les conseillers, Nosamés et Féaux, et honora le procureur Noël Brulot d'un dieu gare, rempli d'aménité. Quant à lui-même, Spifam, il se chercha dans l'assemblée, regretta de ne point se voir, s'informa de sa santé et toujours se mentionna à la troisième personne, se qualifiant notre ami Raoul Spifam, dont tous doivent bien parler. Alors ce fut un haro général entremêlé de railleries, où les plaisants placés derrière lui s'appliquaient à le confirmer dans ses folies, malgré l'effort des magistrats pour rétablir l'ordre et la dignité de l'audience. Une bonne sentence, facilement motivée, finit par recommander le pauvre homme à la sollicitude et adresse des médecins. Puis on l'emmena, bien gardé, à la maison des fous, tandis qu'il distribuait encore sur son passage force salutations à son bon peuple de Paris. Ce jugement fit bruit à la cour. Le roi, qui n'avait point oublié son sosie, se fit raconter les discours de Raoul. Et, comme on lui apprit que ce sire improvisé avait bien imité la majesté royale, tant mieux, dit le roi, qu'il ne déshonore pas pareille ressemblance, celui qui a l'honneur d'être à notre image. Et il ordonna qu'on traitât bien le pauvre fou, ne montrant toutefois aucune envie de le revoir.